Sifax pour poche la brue. T'as capté déjà? Faut être dans la mentale. Cogne. Eh, faut qu'on braque. Quand je vois mes potes, j'pense qu'à ça. Eh, j'ai des contacts qui font du sale, mais j'peux pas me contenter que de ça. J'ai pas fait de bruit pour être connu, moi j'ai pas fait de feat. Ça peut aller vite. J'ai fait le tri des faux amis qui sont là quand y a tout et pas quand y a chiche. J'me tiens à personne. Là, c'est tout seul que j'prends les grosses sommes. Tous les jours faut que tu mettes les gants, cogno. Arrête de penser à ta folle, t'es une grosse équipe. J'ai un mini Uzi, il est tout neuf et deux trois gars très solides qui testèrent pas, qui font pas de bluff, mais sont pas inscrits. Au pôle emploi, moi c'est à la cité, j'ai fait mes preuves. Et sur le terrain, mes poches sont remplies, ce que je fais, je le dis. J'ai pas besoin que tu me crois. Quitte à finir au cœur plat, je finirai pas à plat. Je suis un bandit, je viens du 9-3. Amène des kills, remballe ta plaquette. Tu m'as vu, t'as caché ta pathèque, hein. Je sais pas pourquoi tu t'inquiètes, y'a déjà mes petits qui ont cramé ta cachette. Je t'ai entendu, tu voulais me faire, j'ai mis des meurs sur mon mur. Je regarde mes billets verts, je ressens ma peu et je me sens mieux. Un bandit reste un bandit, rien à foutre si je béton. C'est l'heure de manger, y'a personne qui me fera changer. J'suis venu avec mes gants, et je sais y'a quoi qui m'attend. Pour l'instant j'ai pas ce que t'as, mais je vais pas mélanger. Un bandit reste un bandit, rien à foutre si je béton. C'est l'heure de manger, y'a personne qui me fera changer. J'suis venu avec mes gants, et je sais y'a quoi qui m'attend. Pour l'instant j'ai pas ce que t'as, hey, mais je vais pas mélanger. Tu m'as reconnu, en gova, mais est-ce que tu sais pas, j'étais chargé. Hey, cogno, tous ceux qui m'ont fait du mal, bientôt je vais m'en charger. Je suis pas comme eux, pourtant je suis pas un commis, je vais jamais faire la queue. Reste tranquille, tu m'as comparé à Tony, t'as vu ce qu'il y a dans le coffre, je suis pas gentil. Je te crois si tu m'as menti, il faut que tu bosses, tu vas rembourser. Je suis hanté, je suis pas repenti, à part les fumées, je sais pas quoi penser. Bang, bang, bang, bang, à part les fumées, je sais pas quoi penser. La bouteille de Jack, elle a fait effet, je lui ai pris une quiche, mais j'en ai pas assez. Si ça marche pas, y'a la raison. Je vais tout gérer, je vais pas rester assis. Ce sera ma place, t'auras dit j'ai raison. Si soit le million ou soit les assises. Si ça marche pas, y'a la raison. Je vais tout gérer, je vais pas rester assis. Ce sera ma place, t'auras dit j'ai raison. Si soit le million ou soit les assises. Un bandit reste un bandit, rien à foutre si je béton. C'est l'heure de manger, y'a personne qui me fera changer. J'suis venu avec mes gants, et chez y'a quoi qui m'attend. Pour l'instant j'ai pas ce que t'as, mais je vais pas mélanger. Un bandit reste un bandit, rien à foutre si je béton. C'est l'heure de manger, y'a personne qui me fera changer. J'suis venu avec mes gants, et chez y'a quoi qui m'attend. Pour l'instant j'ai pas ce que t'as, mais je vais pas mélanger. L'argent, c'est plus fort que moi. Là où je le trouve, je le prends.